Allez, aujourd'hui, retour au Chaudron à Anglette pour le dernier match de la saison. Anglette s'est qualifiée et nous allons assister à un match ce soir contre Chamonix avec une patinoire qui va être évidemment pleine à craquer. Et on va pouvoir interviewer un petit peu le public présent ici ce soir à la patinoire. Pachy, est-ce que tu viens souvent voir les matchs de l'Ormadie ici à Anglette ? Oui, je viens souvent. Ça fait 3 ans que je viens les voir. Ils font que perdre en 7-0, mais je voudrais qu'ils gagnent cette année et on ne peut pas. Bon, bah, c'est chouette, Pachy, bravo. Et tu te régales, toi, de voir le hockey. Est-ce que tu es déjà allé sur la glace faire du patin ? Non, j'en ai. Tu aimerais essayer peut-être ? Peut-être, oui. Bon, en tout cas, tu as un beau maillot et j'espère que ton équipe fétiche va gagner ce soir, hein, parce que contre Chamonix, il va falloir se battre un peu. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que Chamonix, on va les faire perdre et ils rentrent chez eux. Super, Pachy, merci et bon match à toi. Je suis maintenant au salon partenaire et je retrouve le président de l'amateur, Thomas Molia, qui est ce soir de l'autre côté de la barrière. Il n'est pas à l'amateur. Ce soir, Thomas va profiter du match. Thomas, y a-t-il un lien réel entre le rugby club Nouvelle-Aquitaine et l'Ormadie en termes de partenariat ou en termes de suivi ? Mais je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, quand il y a une association de chefs d'entreprise qui s'intéresse au rugby, à partir de là, ils s'intéressent aux valeurs du sport. Et je pense que le hockey, notamment, est un sport qui partage énormément de valeurs communes avec le rugby. Et puis, c'est bien aussi d'aller voir vers d'autres horizons aussi ce qui se fait ailleurs, j'ai envie de dire. Un peu au froid dans une patinoire, plutôt que sous la pluie à des terrains de rugby. Donc, non, c'est une belle chose qu'aujourd'hui, le RCENA ait décidé de faire cette soirée. Ça permet aussi de donner un coup de projecteur au hockey sur glace à Anglette, qui est le troisième sport professionnel après l'aviron, le BO et après donc il y a l'Ormadie, donc c'est une belle chose. Ça va faire découvrir un peu ce sport aussi à des chefs d'entreprise, j'ai envie de dire amoureux de sport avant tout. Ok, puis c'est l'occasion pour vous tous de faire des nouvelles connaissances, de créer des contacts et de créer du lien et de faire du réseau entreprise, et ça c'est vachement important. Thomas, merci en tout cas, je te souhaite un bon match et profites-en bien parce que je sais que tu n'as pas souvent l'occasion avec tout ce que tu fais pour l'Ormadie d'assister au match, et à tout à l'heure. Et je suis avec deux jeunes supporters qui portent le maillot d'ailleurs du meilleur marqueur et puis un maillot un peu plus classique. Les garçons, est-ce que vous venez souvent ici voir les matchs de l'Ormadie ? Oui. Est-ce que tu joues toi-même au hockey ? Non. Pas encore ? Non, jamais. Quel est ton sport ? Le foot. Le foot, mais pourquoi tu viens au hockey alors voir régulièrement les matchs ? Parce que j'aime l'Ormadie. Ah, c'est chouette, ça c'est une belle réponse. Et toi, pourquoi tu viens voir l'Ormadie, voir les matchs ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans les matchs de hockey ? Les bagarres. Ah, les bagarres. Tu sais, il n'y a pas que la bagarre, il y a le jeu aussi. Mais enfin bon, c'est vrai qu'on peut... Je te rejoins quelquefois, ça latte un peu contre les parois. Et c'est... Léa, quelle joie de te voir avec toutes les filles et toute ton équipe ce soir sur la patinoire. J'espère que vous avez concocté un joli programme pour nous. Oui, bien sûr, on est prêts à mettre le feu pour ce dernier match de l'Ormadie. En tout cas, Léa, vous avez des tenues absolument ravissantes et resplendissantes. Et je suis sûr que le public va vous suivre et vous accompagner, vous donner la pêche pour votre spectacle ce soir. Merci Léa et à demain à la radio. Hein. Merci beaucoup, à demain. Je suis maintenant avec des représentants du Stade Montois Rugby Professionnel qui sont venus et qui vont nous dire pourquoi justement votre venue ici à l'Ormadie. Alors moi j'ai été invité par Christophe Michaud qui fait partie du rugby club de Biarritz, et donc c'était l'occasion voilà, de pouvoir venir sur la côte basque découvrir l'Ormadie que je ne connaissais pas et également rencontrer les entreprises qui sont dans ce rugby club. Alors ça veut dire que tu es joueur au Stade Montois ou tu es dans l'équipe plutôt administrative ? Alors moi je suis sur la partie administrative, je joue au rugby mais pas au niveau professionnel. Et je m'occupe donc de la partie partenariat, relations commerciales au Stade Montois Rugby. Bon, la saison était un peu difficile au Stade Montois, mais gageons qu'avec tout le travail que tu fais toi et ton équipe, que ce soit pour le commerce, l'animation et tout ce qui se passe autour, vous puissiez recruter de bons joueurs avec un bon budget pour assurer une saison prochaine beaucoup plus intense certainement. Oui, exactement. Alors nous aujourd'hui au partenariat au Stade Montois Rugby, c'est 3,5 millions de partenariats. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on arrive à développer le poste commercial, ça permettra également de pouvoir avoir des revenus pour recruter des joueurs de qualité et pouvoir se pérenniser dans le championnat de Pro D2. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. Christophe, je te tends le micro également. Tu fais partie du Rugby Club Aquitaine, c'est ça ? Tu es chef d'entreprise et tu as plaisir à venir rencontrer les entrepreneurs d'Aquitaine, enfin ici, puisque tu es Montois, c'est ça ? Moi, je suis Savoyard. Ah. C'est vrai, tu es Savoyard. Donc, mon cœur balance ce soir. Eh oui, là j'ai vu que... D'ailleurs, on voit bien que dans le nom de dans certains joueurs, il y a quand même quelques Savoyards quand même. Hein. Ah oui, il y en a pas mal. En tout cas, tu travailles également un petit peu pour le Stade Montois Rugby ? Oui, je suis partenaire du Stade Montois Rugby. Moi, je suis un ancien skieur professionnel. Je gère des athlètes de haut niveau dans le ski. Et je suis installé ici. Donc j'ai une entreprise dans les Landes, installée ici à Bayonne. Passionné de sport. Donc je suis ici à la fois pour le business entre guillemets, les amis et le sport. Ouais, puis on a un match qui est plaisant hein, ce soir, c'est engagé. On a vu que Chamonix là dans la fin du dernier carton, ça a été actif. Hein. Il y a eu du monde devant le but Angloy. Hein. Oui, tout à fait. Ils ont pris un peu le dessus, mais je pense que les petits joueurs d'Anglette là ils vont se relever et attaquer plein fer. Ouais, effectivement, je crois que tu as raison. Ils ont à cœur de finir leur dernier match correctement ici et de pouvoir partager cette joie et la liesse avec le public ce soir à la fin du match. Merci Christophe et bonne soirée et bon match. Voilà, maximum de bruit pour Mathieu Cyr. Mathieu Cyr que l'on fête et que l'on honore ce soir sur la patinoire. Dernier match à la maison pour Mathieu Cyr qui va quitter ses fonctions d'entraîneur et on voit sur l'écran géant une rétrospective donc de la carrière de Cyr ici à Anglette qui a été vraiment un entraîneur aimé par ses joueurs et par le public et merci beaucoup pour cette saison ici à Anglette. Levez-vous pour votre équipe, chers amis. Levez-vous et faites du bruit pour votre équipe. Anglais. Et voilà, c'était donc notre envoyé spécial Bruno Fleury qui était en direct du dernier match de la saison à la barre où l'Ormadi Club Anglette a terminé en beauté face à Chamonix, score 4-3 après les prolongations. Et par l'occasion a dit au revoir de la meilleure des manières à son entraîneur Mathieu Cyr. Une petite précision, Léa qui était interviewée au cours de ce reportage est la présidente des Pom Pom Bayona. Que depuis j'ai eu le plaisir d'interviewer et dont vous pouvez retrouver le podcast sur Radio Côte Basque.